Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Affaires Sensibles s'intéresse au film Le Dernier Tango à Paris, ou Dernier Tango à Paris, avec notre invitée Vanessa Schneider. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, et puis vous êtes cousine de Maria Schneider, et surtout, et vous êtes invitée à ce qualité, auteur du livre intitulé « Tu t'appelais Maria Schneider ». Alors, vous étiez très proche de votre cousine. À partir d'un certain âge, vous avez eu une relation d'adulte, parce qu'elle était plus vieille que vous. Oui. C'est devenu une vraie relation d'adulte, à la fois de cousine, de femme. Oui. Voilà, donc vous étiez vraiment proche d'elle. Et alors, il se trouve, c'est quand même une information qu'il faut que je donne dès le départ, que vous n'avez pas vu « Dernier Tango à Paris ». Non, je l'ai pas. Et pourquoi, évidemment. Je l'ai pas vu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui. C'est un film qui a été destructeur pour ma cousine, qui l'a vécu comme telle, pour Maria, et destructeur aussi du coup pour les gens qui avaient autour d'elle. Ce film lui a laissé des blessures. Dont elle s'est jamais remise, je pense qu'on peut le dire comme ça. Elle a elle-même expliqué que son elle a commencé à se droguer à la sortie du film. Donc ça a été tout ça a été d'une violence inouïe, au point qu'on ne pouvait pas en parler devant elle. On pouvait pas prononcer le nom du film, le titre du film, et elle avait même demandé lorsque pour préparer ses obsèques en 2011, parce qu'elle était malade, donc elle avait quand même donné quelques indications que le nom du film ne soit pas prononcé non plus lors de la cérémonie qui l'a accompagnée. Donc c'était, je me suis posé la question après en écrivant le livre. Évidemment, je me la suis posée parce que parler de Maria sans parler du tango, c'était pas possible. Donc je parle du tango dans ce livre. Il m'était arrivé de tomber dessus par hasard à la télévision lors de rediffusions tardives dans les années 80 ou 90. Donc j'en ai vu quelques extraits, mais à chaque fois j'arrêtais avant de voilà. Pour ce livre, je me suis dit, est-ce que je le regarde, est-ce que je le regarde pas, et finalement je me suis dit je vais le voir, ça aurait été un peu la trahir, donc je me suis dit non, je vais continuer sur cette ligne là par oui, je pense. On peut penser d'ailleurs que vous ne le verrez jamais. Non, je ne le verrai jamais. Non, si je l'ai pas vu là pour écrire le livre, c'est que je le verrai jamais. Mais en revanche, j'ai lu énormément de choses autour du film, évidemment. Il y a eu un documentaire très très bien qui avait été fait par Serge Julie il y a quelques années sur ce film. Il y a beaucoup de documentation, donc voilà. D'ailleurs, vous exprimez ça avec une très jolie phrase, en quatrième couverture, elle est très jolie cette phrase. Ce tango marquait le début d'une grande carrière, voulais-tu croire, il fut le linceul de tes rêves. Donc ça résume bien. Mais en même temps, elle était coincée parce qu'on lui offre un rôle tête d'affiche. Bien sûr. Elle n'a pas refusé. Un piège. Bien sûr. Terrible piège. Alors, pour resituer, pour les auditeurs qui peut-être ne savent pas pas exactement qui est Maria Schneider. Donc Maria Schneider, c'était donc la fille de, ah bah si, de la sœur aînée de mon père, mais la fille de Daniel Gélin également. Ah, voilà, ils viennent d'écouter le récit quand même. Non, je parle juste de sa filiation pour expliquer. Gélin, oui. Non, mais pour expliquer qu'elle soit rentrée assez jeune dans le monde du cinéma, même si elle n'a pas été élevée par son père, elle l'a rencontrée tardivement et donc elle s'est retrouvée plongée dans cet univers du cinéma parce que son père Daniel Gélin savait pas trop quoi en faire, donc il l'a mis chez Alain Delon qui s'est un petit peu occupé d'elle, qui lui a fait faire ses premières figurations, puis chez Brigitte Bardot, chez qui elle vivait après avoir vécu chez mes parents, donc juste au moment du tournage du Tango. Donc c'était une jeune fille qui sortait beaucoup, qui connaissait des gens dans ce monde-là du cinéma, qui avait fait quelques essais, et c'est comme ça qu'elle est repérée. Elle est repérée en boîte de nuit par des gens qui cherchent à incarner une jeune fille pour incarner le rôle de Jeanne. Elle est mineure à l'époque du tournage, elle a 19 ans. Donc, oui, c'est 21 ans à l'époque. C'est 21 ans à l'époque. Et évidemment, bon, elle lit le scénario, elle voit bien qu'il y a des scènes de sexe, hein, elle n'est pas complètement naïve, mais on lui dit dans son entourage, mais bon, un film Bertolucci, Brando, ça ne se refuse pas. Donc voilà. Bien sûr. Donc elle y va. Et ce film, ça va être, pour rebondir sur votre question, ce film, ça va être à la fois son accession à la gloire, donc, et à une gloire internationale, immédiate, une célébrité comme ça, fulgurante, puisque, absolument, comme on l'a vu dans le documentaire, le film est vraiment diffusé dans le monde entier, il suscite la polémique, il laisse personne indifférent. On entendait ce chiffre de 7 millions de spectateurs rien qu'en Italie, c'est énorme. Aucun film ne fait ça maintenant sur grand écran. Donc, ce film lui apporte à la fois la célébrité et donc on pourrait se dire que tout lui aurait été possible derrière. Et en fait, très vite, ça marque en même temps qu'un point de départ, un coup d'arrêt à sa carrière. Est-ce que vous parliez du film avec elle ? Parce que vous dites non, c'était tabou, mais quand même vous étiez très confident, vous arriviez quand même de temps en temps. On ne pouvait pas parler du film. Elle en voulait énormément donc au réalisateur à Bertolucci pour plusieurs raisons, parce que pas uniquement pour la fameuse scène qui a été évoquée, cette scène pour laquelle elle n'avait pas été prévenue. Hein, il faut préciser, elle aurait pu faire interdire cette scène au montage si elle avait su, si elle avait été mieux entourée, mieux conseillée à l'époque. Cette scène n'était pas prévue au scénario. Elle a été improvisée. Bertolucci a décidé de lui imposer. Mais tout le tournage, en fait, a été extrêmement difficile pour elle, puisque Bertolucci n'avait Dieu que pour Brando. Et en gros, on lui disait t'as déjà bien de la chance d'être là. Ouais, et puis, faire valoir de Brando et du film, quoi. C'est ça. Donc, c'était le tournage a été très, très dur, physiquement, psychologiquement. Cette scène, une sorte d'acmé. Et puis, la sortie du film. Parce que là, ce qu'on entend bien dans ce document sonore, ce qu'on entend bien, c'est que ce film, il crée une espèce de tourbillon, et dans les témoignages de l'époque, alors avec des gens qui le soutiennent, et puis des gens qui sont complètement en désaccord avec cette façon de montrer la sexualité à l'écran, et qui du coup assimilent Maria à son rôle dans le film, et du coup elle est insultée, elle est frappée dans la rue, il lui arrive des choses épouvantables, et ça va durer, ça va la poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Elle me racontait, quand on vous dit on parlait pas du film, non, on parlait pas vraiment du film, mais elle me parlait de ses relations avec Marlon Brando, elle me parlait de sa colère contre Bertolucci, elle racontait en effet des choses que je raconte un peu dans le livre, cette marque de beurre italien qui avait mis sa photo sur des plaquettes de beurre, des serveurs dans les restaurants qui lui amenaient du beurre avec un clin d'œil un peu lourd, et des remarques salaces comme ça qui l'ont poursuivi tout au long de sa vie. Donc ça émaillait les conversations, fardeau, oui. Ouais. Parlez-moi de l'avant-première qui montre bien, à travers la réaction des gens, et parmi eux certaines personnes connues, à quel point le film était sulfureux, et que ce n'est pas parce qu'il crée un événement, une polémique, qu'il faut s'interdire de dire qu'il est mauvais, par exemple. Les gens trouvent que c'est un mauvais film ou ennuyeux. Qu'est-ce qui se passe à une avant-première ? Il y a Godard, je crois. Oui, alors c'est le film était très attendu, puisque Bertolucci avait créé une sorte de suspense. On annonçait c'était un tournage interdit à la presse, donc il suffit de dire ça pour que ça suscite la curiosité évidemment des gens. Tout le monde a envie de s'y précipiter. Donc il y avait toute une atmosphère comme ça qui était montée autour de ce film-là. C'était Brando à Paris, c'était quand même pas rien, même si Brando, à ce moment-là, de sa carrière n'était pas... C'était avant le rebond, justement, que lui offre à la fois Le Tango et Le Parrain, qui va être tourné à la même époque, où c'est le retour de Brando. Mais, et déjà, pendant le tournage, donc, il y a une espèce d'excitation qui monte. On se dit, Bertolucci est en train de faire un truc incroyable. La seule qui arrive à forcer les portes du plateau, c'est Jeanne Moreau, qui arrive à quand même s'incruster sur un plateau qui était fermé pour voir de quoi il en retournait. Donc l'avant-première, tout le monde s'y précipite, tout le monde a envie d'en être. Ça se passe pas très loin d'ici, sur les Champs-Élysées. Et là, Maria ne veut pas rentrer dans la salle parce que elle a très peur des réactions. Donc elle reste dehors. On est en décembre, il fait très très froid et elle fume ses cigarettes sur le trottoir. Et là, tout de suite, elle sent que ça se passe mal, puisqu'elle entend des cris, et c'est Godard qui, au bout de quelques minutes, claque la porte en disant « c'est ignoble, ce film est dégueulasse ». Et donc Jean-Luc Godard claque la porte. Et après, une fois que la projection est terminée, les gens sortent en silence. Donc, ce sont des gens du monde du cinéma, des acteurs, des producteurs, des invités triés sur le volet. Et là, il y a cette scène terrible que je raconte dans le livre où personne ne... Tout le monde évite son regard. C'est-à-dire que, comme si déjà, tout était écrit ce jour-là, avant même de la sortie du film, qu'elle était devenue un personnage sulfureux, un peu sale, un peu maudit, un peu... Et les gens détournent le regard, ne préfèrent même pas lui adresser la parole. Et la seule qui s'arrête devant elle, c'est Jane Seberg, qui est déjà... c'est à quelques années avant sa mort, mais qui est déjà, elle aussi, très abîmée par la vie, par l'alcool et par les drames, et qui ne connaît pas Maria, et qui la serre néanmoins dans ses bras, et elle lui dit « bon courage ». Et elle avait compris que ce film allait être dévastateur. Une souffrance humaine, une souffrance de femme aussi. Bien sûr. Jane Seberg a dû effectivement capter ça, oui. On imagine. On va se retrouver, Vanessa Schneider, dans 3 minutes, le temps d'écouter La Décadence. Sans rapport, si, bien sûr, de Gainsbourg. Et Madame, Jeanne Birkin. Tourne-toi. Bouge-toi. Vanessa Schneider, nous parlons de votre cousine Maria Schneider, à qui vous consacrez un livre qui s'appelle « Tu t'appelais Maria Schneider ». Alors, on a dit à quel point ce film « Dernier tango à Paris » qui lui a apporté la célébrité a surtout été un fardeau pour le reste de sa vie. Et quand elle jouait d'autres films, eh bien, à chaque fois en interview, allez, on lui resservait du « Dernier tango à Paris ». C'est l'affreux scotch, là, au bout des doigts. C'est pire que ça, évidemment. Oui, l'image. Oui, jusqu'à la fin. Et pourtant, elle a tourné dans des films, de très, très beaux films après. Commencé par Profession Reporter, le film d'Antonioni avec Jack Nicholson, où elle joue un rôle magnifique. Et il y avait, en écrivant ce livre, j'ai évidemment revisionné des interviews d'elle à différentes époques. Et il y a quelque chose de très triste. Il y a des moments où elle supplie, presque, elle dit « s'il vous plaît, arrêtez de me parler du tango, arrêtez, j'aimerais bien parler d'autre chose, j'ai fait d'autres choses », et en fait, bon voilà, elle est toujours interrogée là-dessus et sur cette scène, et dont elle n'arrivait pas à se défaire. Et il y avait à la fois cette colère et cette tristesse, et également celle du coup d'être cantonnée à un seul type de rôle, puisque à la suite du tango, Maria avait décidé, elle s'y est tenue, parce que c'est on pourrait penser en entendant cette histoire que n'était qu'une victime, mais non, que c'est Maria, c'était aussi une personnalité extrêmement forte, décidée, et quand elle décidait quelque chose, elle s'y tenait. Elle avait décidé de ne plus jamais tourner nue. C'était quelque chose qu'elle refusait. Donc, et évidemment, malheureusement, les scénarios où elle devait figurer nue étaient quand même l'essentiel de ce qu'on lui proposait. Et j'ai retrouvé cette interview où elle dit on me propose tout le temps des rôles de droguée, de malade mentale, de lesbienne, de prostituée, mais moi j'aimerais bien aussi avoir des rôles joyeux, m'amuser. Dans des comédies. Voilà, ouais. Et elle cite une comédie de Rivette à l'époque, et évidemment, et voilà. elle n'est pas entendue. Et au contraire, on la retrouve dans des films qui sont durs, dont on ne sort pas indemne, j'imagine. La Dérobade, terrible histoire de prostituée qui essaie de se sortir des griffes d'un proxénète et qui n'y arrive pas. Ouais. Et puis après, elle fait une apparition dans Les Nuits Fauves autour du sida. Alors, c'est extrêmement grave. On est dans le lourd, quoi. Donc oui. Je comprends qu'effectivement elle a eu envie de faire autre chose. On va écouter, vous dites qu'elle en a voulu beaucoup à Bertolucci, on va écouter Bertolucci qui réagit lors de la disparition en 2011 de Maria Schneider. Il s'agit d'un extrait d'un entretien qu'il avait accordé à Laurence Perron en 2013, donc 2 ans après la mort de Maria Schneider. J'ai peut-être quelquefois allé trop loin, comme ça est arrivé avec Maria Schneider. Qu'est-ce que tu fais? I want you to repeat it after me. Non! Je l'avais pas prévenu de ce qu'on allait faire avec Marlon Brando, de comment le beurre serait été utilisé. Je lui ai pas dit parce que je voulais sa rage. La rage était parce qu'elle était blessée du fait que je lui avais rien dit. Pourquoi? Parce que je voulais qu'elle réagisse comme une jeune fille qui se trouve renversée sur la moquette avec un homme qui lui met du beurre entre les fesses. Si j'avais eu des problèmes, disons, le moralisme, comme ça, évidemment, le film aurait été autre chose. Mais quand même, après beaucoup de temps, j'aurais voulu demander pardon à Maria Schneider. Et à l'époque des MeToo, pour Bertolucci, la situation est un peu compliquée, assez boomerang. Oui, parce qu'il s'est fait interpeller publiquement par Jessica Chastain sur Twitter, par l'actrice Jessica Chastain, et ça a été repris des milliers de fois, des centaines de milliers de fois, ce tweet de Chastain, et du coup, ça a provoqué les excuses de Bertolucci, puisque là, il dit « j'aurais aimé m'excuser », mais il s'est jamais excusé, malheureusement. Il s'est excusé de façon posthume, 50 ans après le film, et une fois que Maria était morte. Toute dernière chose, il nous reste 30 secondes, Vanessa Schneider. Marlon Brando en a voulu aussi à Bertolucci, et il est resté proche, de façon épistolaire, je crois, avec Maria. Oui, il avait le sentiment, lui aussi, alors c'était pas exactement identique, mais d'avoir été manipulé, floué, d'avoir été... il était, au moment du tournage, extrêmement fragilisé, puisqu'il était en conflit avec sa femme de l'époque qui avait enlevé leur enfant, et il estimait que Bertolucci avait puisé un peu dans ses émotions et dans sa douleur pour en sortir quelque chose. Il lui-même n'a pas adressé la parole à Bertolucci pendant 10 ans, ce qui montre que ce film n'a laissé personne indemne. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Vanessa Schneider. Je rappelle le titre de votre livre. Tu t'appelais Maria Schneider. C'est chez Grasset. Merci, au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dernier tango à Paris, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Guillaume Balandras, Jean Bulot et Adrien Cara. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Hélène Bizio, Jérôme Boulet et Coy Nguyen. Et à la technique, ah bah je vous l'ai déjà dit, on va le dire deux fois, tiens, Michel Bézikian. Merci Michel.